se lança dans la deuxième partie de son récit. Pendant ce temps, à Ondiane, Edwin et ses compagnons guettaient le retour des Wilan en se rongeant les seins.